Penemayo, numéro 118, Lolo Yaloboko. Na Yeso na se moninga, ye manso ponanga, ye kito koko le kanko to somi. Ye fo lolo yaloboko, na ye nengay na zwin. Bo senga ya bo peto la menanga o ye le songe na pase bo pe me ya solo a senge ngai na te ke la ye maso aleluya ye fa lo lo ya lo bo kon Mon soto ya tongo, ye kito koko le kanko to zombi. Uye ye le songe na pase, bope me ya solo, asenge ngay na tike la ye maso. Aleluya, ye pololo ya lo bako. Mon soto ya tongo, ye kito koko le kanko to zombi. Akamate pase nanga, pe ame mi yango, na masengi nya yende e bombelo. Pona yena teki monso, na buki bikeko, na motema peye abate linga. Mokile e boyanda, satana mekanga, na Yesu Kristo na koko maskoka. Aleluya ye pololo ya lobako. Mon zoto ya tongo, ye kito koko le kako to zombi. Mokili e boyanga, satana mekanga, na Yesu Kristo na koko maskoka. Aleluya ye pololo ya lobako. Mon zoto ya tongo, ye kito koko le kako to zombi. Ako tika nga ya wate, ako kima naiti. Ndimi masali moka no na ye. Uu azengele ngai na moto. Pena ko bangati na manana ye akole ye sanga wana wana toke na kemba pana ko mona ye kuna eba ye sengo e chole aleluya ye pololo ya lobako Mon zoto ya tongo, ye kita koko le kanko to zombi. Wanda fanda toke na kembo, pona kama na ye, kuna e bale ye senga e chole. Alleluia, ye falala ya lo bako. Mon zoto ya tongo, ye kita koko le kanko to zombi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, en toi, il y a tous les titres. Tu es le merveilleux de nom. Le plus grand et le plus élevé de tous les noms. Nom sublime, nom suprême. Nom du Dieu très haut. Dieu qui voit tout. Merci pour ta révélation. Merci pour ta divinité. Merci pour ta rédemption. Merci pour ta lumière d'histoire qui éclaire notre chemin. Alors que le monde sombre dans les ténèbres les plus profondes, Dieu nous a témoigné un amour incomparable. L'amour rédempteur pour nous racheter de la boue du péché, des systèmes de l'incrédulité, et nous donner une place avec les héritiers, avec les saints rachetés de Dieu. Merci pour ta voix. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta puissance invincible. Merci pour ton nom que tu nous fais porter. Tu nous gardes sous les murs d'airain, sous la nuée de gloire, sous la colonne de feu, l'ange de l'Alliance, le témoin dans la nuit, Dieu invincible tout le temps. Gloire et hommage te sont rendus. Toi qui guéris chaque maladie, toi le grand roi de l'église des saints, toi le nom invocable, riche pour tous ceux qui t'invoquent. Béni soit ton nom pour l'éternité. Prends le devant de la scène. Secoue le cœur, réveille le sommeil. Que toute somnolence soit chauffée. Nous voulons le réveil de notre temps, le réveil de leur aspect. La foi biblique restaurée, et que nous puissions y vivre comme témoins. Chasse l'ennemi du nord, chasse l'ennemi de gauche, chasse l'ennemi de droite. Oh, toi le grand roi, prends le grand javelot, l'épée du roi, taille l'ennemi au pied, Seigneur, et délivre chaque homme maintenant. Délivre-nous de tous les emboutements, de toutes les mauvaises influences, de tous les mauvais. De tous les complots des démons, tous les projets maléfiques qui ont été faits. Seigneur, nous t'invoquons parce que tu es Dieu redoutable parmi les saints. Manifeste la puissance de ton nom. Jette les ténèbres sur le rhum des satans. Que toutes les réunions des démons, que toutes les réunions des sorciers, que les ténèbres les envahissent sur nous. Laisse que ta lumière brille sur nous. Comme elle avait pris à Goshen, et elle a protégé Israël par le rocher d'Israël, le rocher de notre salut. Oh Dieu, mon roi éternel, béni soit ton nom, Seigneur. Rends nos âmes près de toi, recueille nos prières dans ton outre, puisses-tu accueillir les larmes de nos yeux, et agréer en répondant favorablement, en nous donnant le désir de notre cœur, formulé par la foi, regardant au nom de Jésus. Croyant à la puissance de la rédemption, la puissance de la Pentecôte. Honore la foi de ceux qui croient. Et bénis le tabernacle de chrétiens. Honore la foi de tous ceux qui croient. Et puissent vaincre leurs ennemis. Parce que tu avais promis que l'ange du Seigneur ira devant vous. Il vous conduira chez les Pharisiens, chez les Chrétiens, chez les Amoriens, chez les Cananéens, chez les Jébusiens. Et il les exterminera. Oh, qu'il en soit ici, au Père. Tu es le même dans toutes les générations, dans tous les âges, et même maintenant, tu es le même Seigneur Jésus. Nous invoquons ton nom, nous voyons ton nom, nous comptons sur ton nom, nous refusons ton nom, et nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, puisses-tu briser tous les jougs de domination, les dominations occultes, invisibles et ténébreuses, broyé, Seigneur, par la puissance de l'eau, le Saint-Esprit du Dieu vivant, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire une portion de la parole dans Jean chapitre 8. Nous lisons le verset 23 jusqu'au verset 25. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Alors que pena bango ete, bino bo uti na se, ngai na uti na likolo. Bino bo uti na mokili oyo, ngai na uti na mokili oyo te. Boye na lobi na bino ete, boko kufa kati na masomo na bino. Soko bokondima tete, ngai na jali oyo, ejali ngai mbe boko kufa na masomo na bino. Balobi na ete, yo nani? Yesu alobi na bango ete, bobele yango elobi ngai na bino. Apocalypse chapitre 1. Et mon effeli, mon capoyambo. Nous prenons le verset 1er. Et après nous sautons pour lire ensuite le verset 8. Et nous sauterons ensuite pour lire enfin le verset 18. Donc Apocalypse 1. Et mon effeli, mon capoyambo. 8. 1. 1. 8. Et 18. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Oyo emoni selina Jesu Kristo epesa kinzambe ye pona kotalisa mombo na ye na makambo makubima noki. Atindi mwanje na ye mpona kuyebisa Yohane mombo na ye yango. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ngai na jali alpha na omega, kolo nzambe alobi bongo, ye oyo ajali mpe, ajalaki mpe akojala, oyo na nguya yonso. Verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pe moto na bomoi na kufaki nde na jali na bomoi libela na jali na mafungola na kufa mpe na ewelo. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir, chers bien-aimés églises de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table d'exhortation pour partager une sacrée méditation pendant les moments qui sont devant nous ici. Et c'est là pour l'édification de chacun de nous, l'édification mutuelle et aussi pour la gloire du Dieu vivant. La première de toutes les révélations. La pensée de notre exhortation, c'est la plus grande révélation. La première de toutes les révélations. Ou la plus grande révélation. Alors, nous avons lu à des endroits dans Jean 8, trois versets. Je ne veux pas prêcher ou enseigner sur chacun des esprits de ce monde dans les quelques minutes là, c'est totalement impossible, mais nous allons effleurer un peu là pour vous donner l'idée de notre exemple. Alors voyez, on a lu la dans Jean 8 le verset 23 à 25, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Je suis. Mais d'en haut. Vous êtes de ce monde. Mais moi, je ne suis pas de ce monde. Qui parle ici? Oui. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dit-il. Alors, ça crée la soif. la curiosité de savoir, mais comme il y a une conditionnalité ici, si nous ne croyons pas ce qu'il est, alors nous mourons dans nos péchés. Qui es-tu toi là? Des réponses surprenantes, mais très merveilleuses. Il dit ce que je vous dis dès le commencement. Bien aimé, je vous dis que la sagesse de Dieu est incomparable. Et l'homme qui est dans la Bible a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, il avait totalement. N'avez-vous pas cette impression là? Dans la Bible là, il y a un type qui, un homme qui a dit, jamais homme n'a parlé comme cet. Jésus-Christ est phénoménal. Jésus-Christ est exceptionnel, je vous assure. Incomparable et sans pareil. Ceux qui le confondent sont des malheureux. Ils le confondent à ceci, à cela et à autre chose. Sont malheureux. J'espère que ce n'est pas votre cas. Qui es-tu alors? Il leur dit ce que je vous dis dès le commencement. Donc ce que je suis et que vous voulez savoir, c'est ce que j'ai toujours été. Jésus, c'est lui qui a toujours été le Jésus. Et dès le commencement, je vous l'ai dit, mais apparemment, mon langage ne vous pénètre pas. Vous n'écoutez pas ma parole, vous ne saisissez pas la révélation. Quelle situation? Jean 8, 24. Version de Darby. Wana limbola ya Darby. Jean 8, 24. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez kokufa kati na masumbu na bino. Si vous ne croyez pas, c'est moi. Donc qui bino vous allez kondima tete zalingai. Celui qui vous parle là, c'est moi. Oui, vous allez kolobela bino wana zalingai. Or, dans les prophètes de l'Ancien Testament, kati na kondima yaba yakala, particulièrement le prophète Esaïe, plusieurs prophéties annonçant la venue de Dieu pour nous sauver promettaient que Dieu viendrait à nous et quand nous l'invoquerons, il répondra en disant c'est moi. Les Jéhovah Dieu disent répondrait lui-même à son peuple et leur dira que c'est moi. Maintenant, Jésus se tenait devant eux. Selon cette version ici. Tenant le même verset 24 de Jean 8. Voyez là. Il leur dit que si vous ne croyez pas que c'est moi, alors vous mourrez dans vos péchés. Ce verset nous rappelle encore la question pertinente du prophète Bécana, Jean-Baptiste. À partir de sa prison, il a envoyé deux de ses disciples auprès de Jésus pour lui poser la question de savoir, et si c'est lui qui doit venir, nous devons en attendre un autre. Et Jésus les a assis là pour qu'ils observent ce qui se passe. Et il a commencé à guérir les malades, à purifier les lépreux, à chasser les démons. Et puis, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit à ses messagers, Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Jamais eu de débat après. La réponse était claire. Jean dans sa prison a tout compris. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et les murs parlent. Et la bonne nouvelle est annoncée au pauvre. Qui est celui qui peut faire cela? Si ce n'est pas celui qui avait promis de venir lui-même nous sauver. Jean étant prophète de la parole, a compris par les caractéristiques de l'œuvre le genre de personne qui était présent. Ce n'était pas une vantardise du genre. Je suis le grand prophète que vous devez croire. Moi, je suis le puissant homme de Dieu. Moi, je suis incomparable. Si moi, je prends la scène, vous verrez ce qui va se passer. Ce n'est pas tout ce vantardise. Charnel et ne contenant rien. Le Seigneur, au contraire, il a accompli simplement ce que le Père voulait être. Il s'est dévoilé par l'œuvre. Par les caractéristiques de l'œuvre. Êtes-vous là? Vous allez là? Et c'est ce que nous devons faire même dans l'exercice que nous avons dans l'église. Le preuve ou l'examen des ministères. Voyez frère, il faut que les caractéristiques viennent de la parole. Ce n'est pas les imaginations d'un tel ou les racontages d'un groupe de frères du message. Ils ont toujours répété la même chose. Ils ont toujours dit que si quelqu'un fait ceci, donc il est ceci. Non, nous prenons les caractéristiques de la parole. Et nous les voyons identifiés dans l'exercice de la personne. Et ça nous permet de dire avec assurance, non pas selon nous, mais selon la parole, ça c'est tel don. Ou ça c'est tel ministère. D'après la parole. Le ministère est un don qui dépend d'abord de l'appel. Vous prenez les éléments de l'appel. Aujourd'hui, il est appelé comment? Quelle est sa commission? Et le dit précisément quoi? Ça vous donne déjà une idée. Vous suivez ensuite dans l'exercice. Dans l'exercice se passe. Quelles sont les caractéristiques? Et vous voyez vraiment revenir. Vous allez comment ça vous aide alors à savoir qu'il s'agit d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un docteur, d'un apôtre. Et cela selon la parole. Ce n'est pas moi je trouve que. Et d'après moi je pense que. Ce que tu crois tu le garderas pour toi. Tu vas dire d'après la parole. Il y a ça qu'on voit. Et c'est comme ça que le Seigneur s'identifie. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors c'est pas un exercice hâtif. Vous écoutez quelqu'un qui a fait un bruit. Oh, c'est un docteur! Il vous demande, connaissez-vous son affaire? Oh, mais je n'ai même pas besoin de faire. Vous n'êtes pas sérieux. Docteur, c'est la parole qui a donné cette identité. Et la parole nous dit un docteur est comment? Et c'est Christ. Apôtre, c'est comment? Prophète, c'est comment? La parole dévoile tout. Vous allez prendre comme dans un miroir. Vous allez voir si les caractéristiques apparaissent. Et maintenant, il s'agit de ça. Amen. Amen. Amen. Amen. Et Jésus pour sa part, il dit si vous ne croyez pas, testez moi. Alors vous mourrez dans vos péchés. Vous allez quand il dit c'est moi, il se réfère au Jésus, le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Il avait promis de venir lui-même et sauver son peuple. Alors vous devez croire. Et Jésus, c'est le moi là. C'est lui le moi là. Le moi du Dieu de la Bible. La personne du Dieu de la Bible. La personnalité du Dieu de la Bible. C'est Jésus-Christ là. Si vous ne le croyez pas, vous mourrez. Vous allez koukoufa kati na masumu na bino. Vous réalisez. Voilà, vous allez comment on a yango le livre. À quel point c'est sérieux? Na mosana li les ali na yongi mingi. Dans la traduction de français courant, qu'est-ce que vous dites? Ah, ya français courant, bah le bino. Le même verset 24. Vous voyez, vous voyez, moi, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Na yango wana na lo bino que vous allez koukoufa kati na masumu na bino. Vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, vous allez koukoufa kati na masumu na bino. Si vous ne croyez pas que je suis. Français courant. Wana ndimbola ya français courant. Français facile. Oh ya pété. C'est clair pour tout le monde. Et d'aller coller les pona batobanso. Ici. À dernière phrase. Vous mourrez dans vos péchés. Vous allez kukufa kati na masomo na bino. Si vous ne croyez pas que Jésus. Soki vous allez kondimate te ngai nazali. Que moi. Ngai. Que vous voyez, que vous entendez. Vous allez kumona pe koyoka. Voilà. Ngai wana. Je suis le je suis. Nazali oyo azali. Je suis, c'est moi. Oyo azali ezali ngai. Croyez ça. Bondima yango bongo. Vous ne le croyez pas. Soki bino bondimi yango. Même toi maintenant là. Amen. Ata yo si tu ne crois pas. Soko zali bondimi yango. Tu mourras dans tes péchés. Oko kufa kati na masumu na yo. Tout le monde dit amen. Moto no faro ba yebo bele bongo. Ajustez votre entendement. Boyi posimba malambu we ko bino. Boko kita yango. Je suis. Yesu Kristo azali. Oyo azali, oyo nazali. Répétons-les tous ensemble. Jésus, je suis. Azali, oyo azali. Répétons encore mieux. Jésus-Christ et je suis. Azali, oyo azali. Vous dites quoi tout le monde? Jésus-Christ et je suis. Azali, oyo azali. Est-ce que vous y croyez de tout cœur? Oui, je le crois sincèrement. Jésus-Christ et je suis. Jésus-Christ, azali, oyo azali. C'est lui, je suis. Ezali, ye, oyo azali. C'est lui qui s'était révélé à Moïse. Ezali, dans les buissons ardents. Qui avait parlé à Moïse. C'est Jésus-Christ. Ezali, Jésus-Christ. D'où tirez-vous ça? Les paroles de Jésus-Christ lui-même. Il nous a appris à croire que c'est lui, Jésus. Et la Bible dit que c'est lui, Jésus. Et tout croyant chrétien doit croire que c'est lui, Jésus. Il est le Dieu d'Israël, le moi du Dieu d'Israël, le Dieu de l'Ancien Testament. Alors Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Si tu ne veux pas croire, tu es libre de ne pas croire. Mais comprends seulement les conséquences. Tu es libre de ne pas les croire. À cause des dogmes de ton église. Il ne peut s'agir de l'église de Way International. Il ne peut s'agir de l'église des témoins de Jéhovah. Des faux témoins. Des faux témoins. Et sa puissance. Avec des petits bouquets qui se promènent sur toi. Mais la Bible a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sirvera sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas des témoins froids. Comme le bon nous et l'âme des deux semaines. Nous voulons les témoins forts. Ils viennent avec les démonstrations. Comme toi, ils sont les témoins du Seigneur. Alors, tu es libre de ne pas croire. Mais les conséquences, c'est quoi? Si vous ne croyez pas que Jésus est le Jésus de la vie, sachez-le clairement que d'après la Bible elle-même, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que vous-même qui aurez choisi de mourir dans vos péchés, à cause de votre refus de croire, votre incrédulité patentée, incrédulité chronique. Mais renoncez à votre incrédulité. Croyez comme moi que Jésus est je suis. Et cette révélation est la plus importante de toutes les révélations. Et cette révélation est la première de toutes les révélations. Vous vous rappelez encore? Toujours dans Jean 8. Pour percuter la révélation. Que la vérité s'établit sur deux ou trois témoignages. Le verset 24 là dit comme on l'a lu ici. Clairement. Il est le témoin là qui avait promis de nous répondre. C'est moi, Emmanuel. Ici il dit. Au verset 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, autrement dit, amen, amen. Ce qui est traduit par en vérité, c'est amen, amen. Dans l'original, amen, amen. Je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham a tata na bino a setela ki komona mokolo na ngai a mona ki yango mpe ayoka ki esengo na bongo ba Yuda balobi na ye ete ozali naino na bilanga tuku mitano te pe Abraham a mona ki yo Yesu alobi na bango ete solo solo na lobi na bino ete naino ajalaki Abraham te ngai na jali. Vous croyez de tout votre cœur? Vous allez continuer à la montée de la Bimba. Wow! C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Jean chapitre 9. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Veux-tu croire encore ça? Est-ce que je peux répéter? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, non, j'ai l'ingai kati na mokili, na jali moi na mokili. Oh, canon. Wana jali kitoko mingi. C'est tellement vrai. Wana jali penza solo. Et c'est tellement bon. Et jali malamu mingi. Oh Jésus-Christ. Dieu fidèle. Allons ici dans Jean 14. Yohane. Prenons encore. Verset 6. Mulonga motoba. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesu alobi na ye ete ngai na jali nzela pe solo mpe bomoi. Moto akokoma epai na tata te soko na nzela na ngai te. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. On dit mitié tengai na jali kati na tata pe tata kati na ngai. Makambo majali ngai koloba na bino na sololi yango na monoko na ngai moko te. Kasi tata oyo afandi kati na ngai akosalaka misala na ye. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Amen. Je ne croyais du moins à cause de ses œuvres. Bondi mangai ete na jali kati na tata pe tata kati na ngai. Soko bongo te bondi mangai pona misala. Béni soit le nom du Seigneur. Tamwe makoko na kolo. Allons à Matthieu 28. Tokine na Matthieu moka patuku mi bale na mwambe. Oh, juste une exhortation. Matthieu 28. Matthieu moka po patuku mi bale na mwambe. Nous n'avons pas reçu là-bas. Il a kani ni tokine ko zakuna te. Matthieu chapitre 28. Matthieu moka po patuku mi bale na mwambe. Au verset 20. Dernière partie de son verset. La dernière phrase du verset. Il dit quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il n'a pas dit je serai avec vous? Il parle de ce qu'il fera dans la suite. Il a clairement montré qu'il allait partir. Et qu'il allait rester. Mais maintenant, quand il montre de quelle manière il va traiter au milieu d'eux, il utilise le présent éternel. La promesse est formulée au temps présent. Chaque jour que tu la lis, tu la lis au présent. Pour savoir que ton Dieu, il est le Dieu de l'aujourd'hui. Il est le Dieu d'actualité. Il n'est ni périmé, ni Dieu passé. Voici je suis. Le je suis de la Bible. C'est le je suis que nous adorons jusqu'à présent. Tous les jours. Et aujourd'hui c'est un jour. Le je suis là était. Et nous l'invoquons au temps présent. Tu lui as adressé la prière aujourd'hui. Et il t'a écouté aujourd'hui même. Parce qu'il est, non pas le je serai, mais il est le je suis. esprit aujourd'hui, il t'écoute aujourd'hui. Les affaires d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Tu vas dire amen. Matthieu 18. Que dit l'écriture encore? Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai. Il se rassemble cette semaine. Pour les semaines et les années à venir. Principe. Voilà, et c'est les alliés. Promesses. Là où Dieu. Et pas où sont assemblés. Dans leur temps présent. Dans leur actualité. Dans leur moment présent. Quand ils seront assemblés comme ça, mon nom. Qu'ils sachent que je suis et au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Gaza. Baissez-vous, sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, amen. Sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver. Amen. Tu peux remplacer par je vais vous guérir. Amen. Amen. Amen. Et je vous libère. Amen. Amen. C'est vrai. Et je vous soutiens tous. Amen. Je vous secoue tous. Je vous aide tous. Je vous change tous. Mettez votre foi aussi loin que la besoin. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Dieu de Moïse. Jésus-Christ, notre Dieu, c'est celui qui prend ma précieuse lui. Il vit à son message. Il confirme ta parole. Amen, amen. Amen. Tu peux lire Frère Branham ici rapidement. Dans la vision des Patmos. Vision des Patmos, paragraphe 58. Maintenant, juste un petit commentaire avant que nous lisions de nouveau. Ce matin, nous avons parlé de la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Entendez l'expression du prophète. Divinité suprême. L'idée des suprêmes s'oppose à quoi? Ça s'oppose à l'idée d'une divinité subalterne de Jésus-Christ. Ou d'une divinité secondaire de Jésus-Christ. Il serait Dieu, mais un Dieu de niveau secondaire, un Dieu de niveau inférieur à Dieu le Père qui est de niveau supérieur. Non, la divinité de Jésus-Christ n'est pas une divinité secondaire, même pas inférieure, même pas subalterne, mais elle est une divinité suprême. dis amen. Tu crois ça comme ça. Amen. Il n'y a pas de Jésus, il y a un seul Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui est Jésus. Et Jésus-Christ, on a Zali, oh, Zali. Il dit ça. Ce matin, nous avons parlé de la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Lequel Jésus-Christ nous a été révélé par Dieu ce matin. Comme étant la divinité suprême. Le grand Jésus. Donc ne dites pas Jésus, il est Jésus, mais il est un petit Jésus. Il est un Jésus auxiliaire à Jéhovah Dieu. Non, c'est pas auxiliaire. Il est le grand Jésus. Pas j'étais ou je serai. Jésus. C'est sans fin. Vous saisissez la pensée d'éternité. Quand il dit qu'il est le Je suis, ça veut dire qu'il est l'éternel. Celui qui n'a pas de pain. En permanence, je suis. Il a toujours existé et il existera toujours. Son existence n'a pas de fin. Il est l'éternel sans fin. Et nous remarquons au chapitre 1er de l'Apocalypse. Il s'agit de la révélation de qui? Là on a lu Apocalypse 1 verset 1. Nous remarquons. Il s'agit de la révélation de qui? Mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Quelle est la première chose qu'il révèle être ici? Qu'il est le Dieu du ciel. Pas un Dieu en trois, mais un Dieu unique. Un Dieu unique. Et il se révèle de cette façon au premier chapitre de l'Apocalypse. Et il le dit à quatre reprises. Au chapitre premier, afin qu'on ne se trompe pas. Nous avons lu le verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il lui a fait connaître. Par l'envoi de son ange. À son serviteur Jean. Et au verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Apocalypse 1, verset 8. Voici, il vient bientôt. Oh, prénom. Je suis l'alpha et l'oméga. Le verset 7. Je suis l'alpha et l'oméga. Qui est le Jésus dans le Nouveau Testament? Jésus. Qui est le Jésus dans l'Ancien Testament? Jéhovah le Dieu d'Israël. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Au verset 18. Je suis. Toujours le même je suis. Le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. L'église dit amen. L'église dit amen. J'ai dit seulement amen à la vérité et vous serez en paix. Il s'agit de la révélation de qui? De Jésus-Christ. Quelle est la première chose qui révèle être ici? Il est le Dieu du ciel. Pas un Dieu en trois, mais un Dieu unique. Un Dieu unique. Et il se révèle de cette façon au premier chapitre de l'Apocalypse. Et il le dit à quatre reprises. Au chapitre premier, après qu'on ne se trompe pas. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Comprenez-vous ça? Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ azali mosakolite. Amen. Mosakolimokote. Ça vous devez le savoir. Wana, il n'est pas un prophète. Azali mosakolimokote. Il n'est pas l'un des prophètes. Azali mokokati na basakolite. À mettre au rang des prophètes. Yakotana musana Jérémie, Esaïe, Jean-Baptiste, Branham. Isaïa, Yohane Mobati vende kopa. Il n'est pas un prophète. Azali mosakolimokote. Il est le prophète de tous les prophètes. Azali mosakoli abasakolibanso. Amen. C'est lui leur inspirateur. Leur supérieur, c'est lui. Il est le prophète. Azali Moussakoli. C'est vrai. Moussakoli Yango. Azali Moussakoli Yango. Béni soit le nom de Dieu. Kambula makumu na zombi. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Les musulmans disent que Jésus, il est juste un prophète. Bon, faux et archi-faux. C'est un mensonge. Il est le Jésus. Et pour l'éternité, il est demeure. Quand tu refuses de croire, tu mourras dans tes propres péchés. Tu mourras non délibéré, non racheté. Mais si tu veux être libéré du péché, de la perdition, crois que Jésus est le Jésus. Oui. Il est le Jéhovah Dieu d'Israël. Le Dieu unique. Toute la Bible, c'est lui. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas un petit Dieu. Vous voyez ce genre de Dieu cibalitaire, secondaire, de Dieu secondaire. Il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un Dieu moins important. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Ainsi la révélation a donc été apportée. Et nous allons continuer ce soir quand nous allons aborder la septuple personne de son être. En cette caractéristique. Hein? Et ça y est toujours là dans l'Apocalypse. Paragraphe 144. La plus grande de toutes les révélations. C'est celle de la divinité. Quelle divinité? La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Suprême! Dites bien, suprême! Il dit, vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Branham utilise même un mot encore plus gentil. Que le Seigneur lui-même dans la Bible. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Branham utilise le mot progrès parce que les hommes aiment le progrès. Mais tant que vous n'aurez pas cru à la divinité suprême de Jésus-Christ, vous ne ferez pas de progrès. Qui dit amen. Mais aujourd'hui, des aventuriers veulent nous faire croire à la divinité de William Branham. Alors que Branham n'a jamais dit que si vous ne croyez pas à cette divinité-là de Branham, vous ne ferez pas de progrès. La divinité à laquelle il faut croire et de laquelle dépend le progrès, c'est la divinité suprême et unique de Jésus-Christ. Que cela soit clair pour tous les vrais croyants du message. Pas les pasteurs embrouillés qui croient n'importe quoi, qui ont saboté la Bible. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et de Branham aussi. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, puis voyez la divinité. Acte 2:38. Comment vous les lirez ce soir? Acte 2:38. Cela dit quoi? Répentez-vous. Et puis voyez la divinité. C'est comme ça que tu écris dans votre Bible? Quand vous lisez ce verset là. Répentez-vous. La suite là. Ça doit vous permettre de voir la divinité. Est-ce qu'on peut nous mettre le verset? Répentez-vous. La suite dit quoi? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Cet extrait là, vous devez le comprendre comme ça. Après avoir entendu, répentez-vous. La pensée qui suit là, ça vous dit, voyez la divinité. On ne peut pas vous demander d'être baptisé au nom de Jésus-Christ si Jésus-Christ n'était pas le Dieu unique. On ne peut pas vouloir vous faire porter un autre nom que le nom de votre Dieu unique. Alors Pierre a dit, répentez-vous et puis voyez la divinité. Où se trouve la divinité? Ce n'est pas à Mukuna Chipoyakazadi. Ce n'est pas à Nebalembongé. Ce n'est pas à Nebalembongé. Ce n'est pas à Mouni de Corée là-bas. Ce n'est pas à William Branham. Ce n'est pas à William Branham. C'est Jésus-Christ. Mais soyez plus aveugles. Quand vous voulez être baptisé correctement, du baptême chrétien, première des choses, répandez-vous. La chose suivante, voyez la divinité. Et où se trouve la divinité? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pour mettre fin au conflit du péché, qui avait posé le somme à l'air Dieu, Dieu a fait et il a brisé l'inimitié pour rétablir la relation avec Dieu. Alors, répentez-vous et voyez la divinité. Un frère, un masseur, ce n'est pas difficile, non? Répentez-vous et voyez la divinité. Quand tu vas encore rentrer à la maison, mets-toi à relire un peu Acte 2:38 calmement. Mot après mot, et en priant, Seigneur, aide-moi à voir clair. Lis ces mots-là. Et vois dans quelle mesure la divinité apparaît clairement là. Et quand vous allez prendre la série de mystères que Frère Branham liste dans la prédication, les mystères que le septième ange, le messager du septième ange, il cite le mystère de la divinité suprême de Jésus-Christ, manifesté dans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas réellement la révélation de qui est Jésus-Christ, on ne devrait pas le baptiser. On ne devrait pas encore le baptiser. Parce qu'avant d'aller dans les eaux, il doit se repentir et puis voir la divinité. C'est clair? Mais c'est quand même étonnant que plusieurs ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et comme des petits sorciers à peine initiés, ils sont en train de raconter aux gens que Branham est Dieu. Quel envoûtement collectif. Ne les écoutez pas, ne les ressemblez même pas. Le mystère de la divinité suprême de Jésus-Christ est manifesté à travers le baptême d'eau que l'on vous donne au nom de Jésus-Christ. Vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le Dieu suprême et unique. Dieu suprême et unique. Je vous baptise comme ça ici. Parce que je le crois fermement comme ça. Ne reniez pas ce Dieu. Votre maître, ne reniez pas ce Dieu. Dans la suite des temps. Comme certains renégats qui ont trahi le tabernacle. Les renégats. Ils ont commencé à citer des petits macarons avec le visage de frère Branham. Et puis ils disent, Maya Siga. Les gens que nous, nous avons baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous aurons à comparaître. Lorsque le tour sera là, ils me diront en quel nom moi je les avais battus. Je serai au trône blanc. Laissez-les continuer à se créer comme ils veulent. Et croire n'importe quoi pour avoir abandonné les rassemblés. Donc la Bible dit, n'abandonnez pas votre rassemblée. La doctrine du Seigneur dans laquelle vous êtes enseigné, gardez-la et persévérez dedans. Ne deviez ni à gauche ni à droite. Vous êtes tenu, donnerez la parole. Et amen. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Et c'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors, vous serez prêts à entrer dans l'esprit. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. De A à Z. Et puis il dit, c'est moi. Avez-vous oublié là où il a dit que c'est moi? On l'a lu ici dans la Bible. Branham n'est pas en train de dire quelque chose ici. Il est en train de prêcher la Bible. Même s'il n'a pas cité verset après verset comme nous. Mais ce qu'il dit est dans la Bible. De A à Z, c'est moi. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est, et qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y, c'est ce qu'a dit la trompette. Paragraphe 57. Très bien. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui il est quand vous entendez cette voix. Très bien. La même voix qui a retenti au mont Sinaï, la même voix qui a retenti à la montagne de transfiguration, la même personne, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, c'est ça Jésus-Christ. Avez-vous aimé cette révélation? La plus importante, la plus grande. Jésus-Christ, ye azalinzambe. Nous voyons pas dans la divinité. Dans la Trinité, dans la divinité. Dans la divinité, dans la divinité. Et nous croyons à l'unité de la divinité. Chacun de nous. Que Dieu bénisse cette foi dans votre cœur. Laisse-le se révéler à chacun de vous. Et que toutes les zones d'ombre soient évacuées. Que l'amour et la grâce de Dieu remplissent votre cœur. Pour mieux le connaître. Afin de mieux l'aimer. Et de mieux le servir. Shalom Église. Tenons-nous debout. Ah, de nouveau, l'heure de la prière, de la fin du culte est même dépassée encore. Désolé. Allons-y. Nous allons juste dire un mot de prière. Et chacun repartira avec cette onction de la parole. Ne l'étouffez jamais. Ne libérez-la en prière. Priez sans cesse du cœur. Que vos besoins soient formulés, même chemin faisant. Il est le grand Jésus qui a dit d'être avec nous tous les jours. Tout le temps. Yesun zambe nanguya, yen kolona kimya, yetatana libela, mokonze ketoko. Be asala ke maso na mayele na ye L'étendé n'a pas zambé, et j'allais casser naïe, nyansa, nyansa. Louya nyansa, l'étendé n'a pas zambé, nyansa naïe, nyansa naïe, nyansa naïe. Yes, I shall eat some benangoya, nyonso. Ye bandele pesoka, alifa omega. Zambe kate nansoto, maninga nabiso. Posa nabiso nyonso, bosembo penguya. Ma yele peko bonga, to buswa te na ye, nyonso. Tonde na bozambe, sana ye, nyonso na ye, nyonso na ye. Yes, oh, I shall eat some benango, yeah, no. Oh, nyosa. Nyosa, ne. Uku, gitonde, na, pa, zambe. Nyosa, na, ye. Nyosa, na, ye. Nyosa, na, ye. Yes, oh, I shall be zambé, nangoya, nyonso. Togo Sambela. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons grandement merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir de passer des beaux moments dans ta présence, étant rassemblés au nom de Jésus-Christ pour cette liberté de culte. Nous te remercions encore. Nous savons pas, ça tiendra pendant encore combien de temps. Le Seigneur, tu le sais. Pendant que nous avons cette possibilité de nous réchauffer ensemble, accorde à chacun de nous la meilleure des expériences et y entrer à la rédemption. Donne-nous la foi biblique qui nous permettra de croire à la première de toutes les révélations, la plus importante et la plus grande révélation, celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Assiste l'église étape par étape. Assiste chaque frère, chaque sœur, je te prie. Délivre tous ceux qui sont sous les envoûtements et des liens des ténèbres. Donne la paix du Seigneur dans les cœurs. Donne la joie du salut à chaque croyant. Répare l'amour divin dans nos cœurs. Que nous puissions mieux t'aimer pour mieux t'adorer. Révèle-toi à chacun, Seigneur, pour que cette puissance de ténèbres qui agace les âmes soit tenue dans l'impuissance, et que la puissance de vie, l'esprit éternel du Dieu vivant, anime tous les fils et les filles d'Abraham, nous conduit de lumière en lumière, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Reste notre Dieu tout le temps. Dans le nom de Jésus-Christ, le merveilleux, le surnaturel, le prodigieux, le miraculeux, l'invincible, l'omniprésent, nous prions. Amen. Amen. Ok, veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué.